Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Prenez. Cherun. Donnez-moi les lunettes. Konon glas dişe. Konon glas dişe. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Inde kelamet paşe. Inde kelamet paşe. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Wedge kelaset agi cheru magaset. Wedge kelaset agi cheru magaset.